conférence est pour titre « Changer le monde ». Je suis Amy Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique, homme d'affaires. Bonsoir, je suis Michel Lassette, policier et homme d'affaires. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Daniel, dernièrement, je prenais une marche avec ma fille, puis elle me contait que... je disais, j'avais réalisé un rêve, je ne me souviens pas trop quoi. Puis elle me disait que son rêve, elle ne pourrait pas le réaliser. Elle a réalisé toutes les nuits d'hier. Oui, mais elle, c'était... Ils ont été réveillés. Okay. Et puis elle me disait, elle ne pouvait pas réaliser son rêve parce que c'était qu'il n'y a plus de guerre, de vivre en paix, puis de vivre avec des mondes, avec des gens de qui elle n'avait pas peur. Ou... Ça tournait autour de ça. Comment peut y arriver, faut changer le monde? On dirait une introduction au sujet. Bon. Parce que elle, comment elle a dit, je peux la famille, si tu veux. Non. Bon. comment changer le monde, ça? Ben, est-ce que ça change le monde? Non. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai répondu que ça dépendait d'elle, que c'est elle qui bâtirait son avenir. Non, tu as mis un délire spirituel. Ah ben, ça sera de sa faute, c'est toi, c'est bien mon cas. Mais c'est parce que je pensais pas qu'on peut changer le monde. Je pense qu'on peut, ça changer soi-même. C'est vrai qu'on peut changer le monde. Ben oui, c'est pour ça que quand je voyais le titre ce soir, comment changer le monde, la gueule, c'est pour moi, là. Écoute, là. Après ça, tu as pensé longtemps qu'en te changeant toi, ça changerait les choses. Puis moi, ce que j'explique souvent aux séminaristes, c'est qu'il ne faut pas changer le monde, il faut changer deux mondes. Deux mondes, c'est ça. C'est différent. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est probablement plus facile de changer deux mondes que de changer le monde. Sauf que c'est plus facile de parler de changer le monde que de changer deux mondes. Mais quand on parle de changer le monde, ce qui vient implicitement, c'est changer les autres. Mais finalement, nous autres, c'est pas évident qu'on va changer. Oui. Change l'environnement pour que l'environnement te plaise, mais... C'est toujours changer les autres parce qu'on est toujours correct. Mm-hmm. Ben c'est ça, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ben non, maintenant, on n'a pas besoin d'avoir raison pour vouloir changer le monde. De toute façon, on va trouver historiquement. Mais il y a des mécaniques qui font en sorte. Il faut comprendre. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un poste, pas un poste, mais une énergie, les mots ne sont pas justes, ne sont pas précis, mais hiérarchique, supérieure dans la société. Soit on va prendre au niveau de la conscience, au niveau d'une fonction en politique ou en affaires, ces personnes-là, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils vivent dans leur alentour. Fait qu'ils veulent changer, ils veulent modifier à leur façon ce qui les entoure. J'ai expliqué des choses, j'ai expliqué au séminariste, mais à un moment donné, il va falloir qu'on s'en serve de base au niveau des conférences parce que c'est impossible de comprendre. L'humain ne peut pas comprendre sa vie s'il n'y a pas la compréhension de certaines mécaniques de base. L'humain ne peut pas comprendre le monde s'il n'y a pas une compréhension moins émotive, moins colorée, moins spirituelle, moins reliée sur le désir et sur l'illusion. Puis l'humain ne peut pas comprendre non plus les mécaniques qu'il doit appliquer ou les mécaniques qu'il doit enclencher pour arriver à changer quoi que ce soit, si au départ il reste confronté à une vision très nombritique de ce que c'est l'humain. Si on parle de changer le monde, une question, il n'y a pas besoin, ça, c'est rien de pareil. Bon. Mais quand il est rendu. À savoir, c'est de l'encre en place d'un crayon, c'est pas pire. L'humain, changer le monde au départ, pourquoi vous vivez? Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous venir sur la planète Terre? Parce que si tu ne peux pas revenir sur la planète Terre, écoute, c'est le genre du monde, vidon, puis... Ah, mais tu viens de partir tout de suite. C'est ça, tu sais, il y en a qui aiment souffrir. Alors, tu vis un peu, tu meurs, puis c'est fini, là. Il y a quelque chose qui doit être perçu au départ, c'est que l'être humain a toujours eu la volonté, enfin la volonté. Il y a toujours eu quelque chose chez lui qui l'a amené à penser, un, qu'il y avait une vie après la mort. Là, on va dire, c'est parce qu'il refuse la mort. Ouais. Ça se peut que ce soit ça. Ça se peut aussi que fondamentalement, quelque part chez lui, il y a suffisamment de vibrations pour se rendre compte que ce n'est pas ça. Et celui qui arrive à un seuil de mentalisation, il peut dire, effectivement, ça se peut qu'il n'y ait pas rien après la mort, donc c'est une farce bidon complet. Et ça se peut aussi qu'il y ait quelque chose. Le mentalisateur normal va mentaliser de façon à être malheureux, parce que la base même de la nature de l'homme, c'est de se détruire et d'être malheureux, c'est sa nature, c'est ce qu'il recherche. Il est bien quand il est malheureux. Par contre, on a des êtres humains qui, à un moment donné, vibrent un petit peu d'intelligence, et là, vont être obligés, on va dire, vont décider pour l'instant, de dire, il y a des chances qu'il n'y ait rien après la vie, et il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Il y a des chances que je revienne dans une autre vie, et il y a des chances que non. Si je fais comme s'il n'y avait rien et qu'il y a quelque chose, je me fais fourrer comme il faut. Si je fais comme s'il y avait quelque chose puis qu'il n'y a rien, ben de toute façon, tant qu'il n'y a rien à voir, ça ne change rien. Donc, l'être humain qui est mal pris sur la planète avec un peu d'intelligence va de toute façon agir comme s'il y avait quelque chose, comme s'il avait soit une vie ailleurs après la mort, ou comme s'il avait la possibilité de revenir. Au cas. Parce que s'il n'y a rien, ben de toute façon, que vous avez, si vous êtes des bonnes personnes, puis qu'il n'y a rien, ben vous avez été des bonnes personnes. Si vous êtes des criminels, puis qu'il n'y a rien, ben vous avez été des criminels. Par contre, si le karma existe, s'il y a une réincarnation, ou s'il y a une vie après la mort autrement que dans un corps, il y a des fortes chances que vous ayez une continuité qui ne soit pas tellement plaisante. Parce que ceux que vous allez tuer, s'il y a une vie après la mort, ben ils sont là, ils vous attendent. Alors donc, l'humain, qui est le moindrement un petit peu de conscience, va nécessairement être confronté à vivre d'une certaine façon. Mais au départ, pour changer le monde, pour changer sa vie, on doit comprendre certaines choses. Il faut constater, et les théories que moi, disons, j'amène, pour moi, ce ne sont pas des théories, mais quand une personne vit réellement cette mécanique-là, ce n'est pas une théorie. En attendant, la personne doit comprendre que c'est une théorie. Ça veut dire que l'être humain ne doit pas appliquer de valeur émotive à ce que je dis, même si ça fait du sens. Quand on comprend une mécanique, eh bien, on peut appliquer la mécanique. Mais quand on ne comprend pas les mécaniques et qu'on décide d'y croire à la mécanique, on peut se faire arranger autant par la mécanique que si on n'a pas de mécanique. Alors, je peux croire au Dieu automobile, mais je vais le prier, je vais tout faire, je vais perdre mon temps, mon énergie, je vais souffrir pour lui quand il va de la poussière sur son capot, alors que je peux aussi comprendre la mécanique automobile et utiliser la mécanique automobile, protéger la carrosserie, etc., mais je n'ai pas d'attachement émotif dans l'idée de la mécanique. Alors, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que l'être humain doit constater au départ, un, que sa vie n'est absolument pas ce qu'il veut. L'être humain qui a suffisamment, disons, qui est suffisamment gelé dans sa conscience, peut dire, ben, ma vie, moi, pas mal ce que je veux. Déjà là, c'est irrecevable, pas mal, c'est même pas bien, c'est pas mal. Et ce n'est pas une confirmation de la chose. C'est un entre-deux. L'être humain qui, si on demande à une personne, ta vie, est exactement comme tu veux la voir, et qu'une personne ose répondre oui, ça veut dire qu'elle est heureuse de vieillir. Ça veut dire qu'elle est heureuse d'avoir un corps qui peut apporter des maladies. Ça veut dire qu'elle est heureuse de voir ses parents mourir. Ça veut dire qu'elle est heureuse de voir les gens mourir. Ça veut dire qu'elle est heureuse de voir les guerres. Ça veut dire qu'elle est heureuse de voir qu'elle est obligée de manger régulièrement, de dormir régulièrement, de travailler, d'être stressée. Non, mais c'est pas sa vie, ça. Oh, c'est sa vie. Mais non, c'est la vie des autres. Non. C'est son entourage. Ça... Non, je comprends. Là, tu es mentalisé en te disant que quand ton père va mourir, ça ne te dérangera pas, ça ne te regarde pas. Ça va me déranger, ça va me toucher, mais c'est pas ma vie. Ah oui, c'est ta vie. Ben, c'est qui souffre? Non, oui, mais quand même. Ben, c'est ça. Toi, tu souffres. T'es heureux. Donc, t'aimes ça. Mais là, la vie de la planète, c'est notre vie, autrement dit, là. Mais oui. Mais si je suis heureux, c'est ce que je veux. C'est évident que la vie de la planète, c'est ta vie. D'ailleurs, c'est ce que tout à l'heure, Michel disait. Maintenant, il est vu. Mais tout à l'heure, il disait qu'il faut que tu changes le contexte extérieur pour arriver à avoir un cadre dans lequel tu vas être mieux. Mais ça revient qu'il faut changer le monde. Ben, je suis dans le sujet, c'est évident. C'est bon. Donc, la vie... Vous voulez travailler tous les matins, vous devez aller travailler ou tous les soirs, c'est votre vie. Vous avez décidé que vous voulez passer 55 ans de votre vie ou 60 ans à travailler. Plutôt qu'à jouer, à vous relaxer, à apprendre, à voyager, à découvrir, vous avez décidé que vous vouliez travailler dans ce job-là. Toute votre vie. Il y a du monde qui m'ont dit, ben, certainement que j'ai choisi mon emploi. Ce serait pas mieux sans avoir besoin de travailler. En pouvant faire autre chose, il y a une société qui va te fournir ce que tu as besoin. Ah, ça se peut pas. La question n'est pas là. C'est comme la personne dans les pays développés où j'ai été, qui passe 12 à 14 heures par jour de sa vie à chasser. Et là, s'il vient me dire, ben non, moi c'est ça, mais ma vie est heureuse, je veux être un chasseur. C'est faux. C'est parce que tu ne veux pas être pris à ne pas pouvoir chasser dans un monde où celui qui ne chasse pas meurt. Mais si tu avais le choix d'être assis dans ta cabane, dans ta hutte, puis on t'amène la bouffe, tu choisirais quoi? Et choisirais d'être assis. Et je ne choisirais pas d'être chasseur. Mais je ne sais pas, moi, si je choisirais pas d'être... Là, tu prends l'exception du gros orgueilleux qui a besoin d'être nourri du fait que tu es meilleur des chasseurs. Moi, je te parle de l'humain en général. Moi, je te parle de ceux dont la nature est d'être malheureux, qui sont tous les humains. Tu parles de la majorité des gens. De tout le monde. Oui, mais c'est qui ne voudra pas aller à la chasse. Il va préférer rester assis. C'est... Obésité en bon point, le corps vient plus vite. Il va choisir ce qui est mieux pour s'anéantir. Sauf que s'il vient te dire qu'il est heureux d'aller à la chasse, c'est faux. Courir dans la jungle, marcher dans les épines, risquer de rencontrer des animaux dangereux, avoir faim, perdre son temps à faire ça, il peut se faire croire que c'est sa vie. C'est pas ça la vie d'un être humain. Mais aller travailler, c'est la même chose. De toute façon, dans ce que tu décris là, qu'il aille à la chasse ou qu'il reste dans sa hutte, il va s'arranger pour être malheureux. Ça, tu le sais pas encore. Ouais, mais en connaissant l'être humain, il y a gros à parier qu'il va être malheureux. La problématique, ce soir, c'est que les trois intervieweurs ont fait le séminaire. Les trois intervieweurs, il y en a au moins deux qui sont frustrés de la vie, je vous le dis. Ils connaissent juste certains points et ils s'en servent inconsciemment pour se perturber, pour se mélanger. C'est l'humain. On continue ici. Vous allez finir par les comprendre. Vous allez voir. Si vous êtes ici, votre vie n'est déjà pas à votre goût. Vous avez un corps qui va être malade, vous avez un corps qui va vieillir, vous avez un corps qui fatigue, vous avez etc. Il n'y a rien à faire. Vous ne changerez probablement pas de monde, vous ne voudriez peut-être pas changer de situation, quelques-uns oui, parce que vous ne voyez pas mieux. La vie de l'être humain est une orchestration assez bizarre qui, et c'est évident, il faut le constater, est organisée sur un fondement, la souffrance. Souffrir. Et ça, il faut comprendre qu'il y a quelque chose, il y a une mécanique dans le système planétaire qui fait en sorte que l'être humain est confronté régulièrement à la souffrance. Le bonheur est illégal dans le contexte planétaire. Moi, je dis illégal parce que je sais de quoi je parle, mais disons pour l'être humain que le bonheur est impossible. Mais il est impossible simplement parce qu'il est illégal. Vous n'êtes pas conçu pour être heureux. Il faut oublier ça. Et, de toute façon, vous vous arrangez vraiment pour ne pas l'être. Vous êtes très performant là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, il y a une nuance majeure dans l'intelligence entre un malheur tolérable et un bonheur. Sauf que, étant donné que les humains ont tous un contact avec leur intelligence, puis encore là, ce sont des mots bizarres. En réalité, vous avez un contact avec vous autres, mais pas vous autres terrestres, pas vous autres terriens. Le terrestre, c'est votre corps physique, votre corps vital, votre psychologie, le corps astral, c'est votre corps mental. Ça, c'est de la vraie merde. J'appelle ça l'animal humain. Mais vous avez, il y a quelque chose qui vient de temps en temps habiter ça. C'est vous autres. Mais ce vous autres-là, il passe une demi-seconde, il laisse sa trace, puis il repart. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas capable de le maintenir. Et la petite trace qu'il a laissée, elle va servir à la mémoire du corps, à l'ego, à l'âme, à la psychologie, ça de la mémoire. Ça va servir, c'est suffisamment alimentant pour que la petite demi-seconde où vous passez dans votre conscience, ça puisse vous animer pour une semaine et demie, deux semaines. Bon. Si ça reste une minute et demie, vous avez eu un contact, une illumination. Les anciens en ont eu. Ils étaient capables de les alimenter pour le restant de leur jour. Ils avaient vu Dieu une seconde et demie. Ils en parlaient pendant 50 ans après, même s'ils ne le revoyaient plus jamais. C'était suffisant pour les alimenter. C'est très, très, très, très puissant, le petit contact. Sauf que ce petit contact-là, il a tendance, à la fin du 20e siècle, dans plusieurs individus, à essayer, à récidiver, puis à essayer de plus en plus. Et ça ouvre les yeux. Pas les yeux physiques, mais ça ouvre la conscience. L'être humain doit comprendre qu'il ne peut pas, ici, que sa structure, elle est bâtie pour souffrir. Et ça, il faut comprendre qu'il y a des manipulations, qu'il y a des états, qu'il y a des énergies particulières. Ce sont des termes que la spiritualité a employés souvent, et ce sont des termes qu'à un moment donné, l'être humain qui devient intellectuel finit par rejeter. Ah ben là, les énergies, bon, c'est clair, de l'énergie, c'est quand même là, de l'énergie. On a fait sauter Nagasaki avec de l'énergie. L'énergie, elle est là. Mais l'énergie, aussi, c'est un terme qui désigne une force. Une énergie, normalement, peut engendrer une réaction dans un continuum, c'est-à-dire dans l'espace-temps, dans le monde, une énergie. L'absence d'énergie fait quelque chose, et la présence d'une énergie fait quelque chose. Donc, on peut encore actuellement utiliser le mot énergie dans le sens force, mais pas une force comme les forces armées, pas une force spirituelle, dans une force matérielle, une force physique, une force qui peut faire bouger. Qu'est-ce qui fait bouger la chaise? Une force. Qu'est-ce qui arrête la chaise? Une autre force. S'il n'y avait pas l'inertie et la friction, la gravité, l'attraction, etc., la chaise avancerait éternellement, comme dans l'espace. Daniel, si la chaise arrête, c'est parce qu'il y a une autre force. Ce sont des forces, ce sont des énergies. Là, tu as dit que le bonheur est illégal. Oui. Je vais revenir à ça. Là. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a des lois ou on pense qu'il y a des lois? Illégal ou interdit? C'est illégal. C'est pas interdit. Mais ça, on reviendra sur ces nuances-là. Mais il y a des lois, donc. Il y a des mécaniques. Il y a des lois de la nature. Pas des lois d'un individu, d'un dieu, d'une entité, mais c'est des lois naturelles. Quand tu plantes une graine dans un bon cadre, elle pousse. C'est une loi naturelle. Bon, justement, tu nommes ça, là, je me dis, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse faire autrement, changer la loi, là, que quand tu plantes une graine, l'arbre pousse. Donc, comment on va faire pour changer ça? Donc, ça doit être aussi difficile de changer la loi qui fait qu'on n'a pas le droit d'être heureux? Oui, mais avant, faut voir clairement qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Et c'est clair pour moi, là. Oui, je sais ça. Mais tu me poses des questions après, mais là, je vais être clair pour tout le monde. Bouddha, Siddhartha Gautama, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, je t'en souviens, c'était un bon gars maigre. Maigre? Oui, à un moment donné, tu étais très maigre. Tu voyais la colonne vertébrale en regardant sans son nombril. Il avait dit que la vie était souffrance. La naissance est souffrance, la vie est souffrance, la mort est souffrance, puis on te réincarne. Bang, tu recommences, puis c'est le plaisir de tout le monde. Lui, il avait suggéré, essayez d'être anonyme au maximum, peut-être qu'ils vont vous oublier. Il appelait ça la voie du juste milieu. T'es juste pas trop ça, juste pas trop ça, juste pas trop rien. Mais il parlait de qui qu'ils vont... Il parlait de l'humain. Mais ça a pogné son affaire. Il parlait de qui ils vont non, c'est dans mon langage, ils vont te renvoyer. Lui, il disait que tu vas revenir. Lui, il disait que tu vas revenir à l'infini, puis à un moment donné, peut-être que tu vas pouvoir être assez vite. Oh non, et lui, ce qu'il disait, c'est que c'est une roue, tu meurs, tu te réincarnes, tu meurs, tu te réincarnes. C'est un grand cycle du souffle brahmique. Puis à un moment donné, quand c'est fini au complet, tu recommences. Mais lui, ce qu'il disait de ça, là, il était paniqué de ça. C'était éternellement la souffrance. Alors lui, il avait dit, il faut trouver une façon d'arriver à sortir de la roue. Et c'était quoi, ça? La neutralité, essaye de faire ce qui plaît à tout le monde. Pour que finalement, on t'oublie qu'on ne te voit plus. Mais ça n'a pas marché, il s'est réincarné, puis bon, ça... Mais pourtant, là, ça... Mais il avait découvert, moi, je vous dis simplement que déjà là, lui, il avait découvert que c'était une vraie merde, la vie. Le Nazaréen, il a découvert à ses dépens, mais ils l'ont crucifié, bon. Mais ce que je ne comprends pas de Bouddha, il a découvert que c'est une vraie merde, il a dit ça au monde, le monde a suivi, ils ont eu l'air bien contents. Mais c'est normal, le monde, ils ont suivi, le monde, ils se sont rendus compte qu'ils leur offraient des techniques inapplicables. Mais ça, mais toi, tu vas dire le bonheur existe, puis... Non, je n'ai pas dit que le bonheur existait, moi, là. Mais c'était illégal. Moi, je suis d'accord pour dire que à la base, là, la vie, c'est que de la souffrance, mais sauf ça dépend comment tu vis. Tu peux t'organiser autrement. Bon, en t'organisant autrement, en parlant de l'humain, ça veut dire que tu t'en viens dans une espèce de malheur tolérable. Oui. Mais j'appelle pas ça du bonheur. T'as rien à faire et c'est pas du bonheur. Ça reste de la merde tolérable. C'est-à-dire que t'as une dent carriée depuis 25 ans, elle n'est plus carriée. Ça fait partie de ta nature, c'est toi. Je comprends pas. C'est qu'en réalité, le vrai arracher, bonheur... T'as l'impression de faire arracher un morceau. C'est qu'en réalité, le vrai bonheur, on n'a aucune idée de ce que c'est. Pas le vrai bonheur. Le bonheur, OK. Quand on pense que, mettons, là, je suis heureux, là, c'est qu'en fait, je suis juste neutre. Là. Je suis pas malheureux, donc là, je me sens heureux, mais en fait, je sais pas ce que c'est le vrai bonheur, si je comprends ce que c'est. Mais non, c'est même pas, tu te sens même pas heureux. Ben, il y a des fois, je me sens heureux. Oui, je sais. Les seules fois que tu te sens heureux, là, c'est une différence de potentiel. Ben, c'est ça que tu dis par rapport au malheur. Là, n'étant plus malheureux. Mais moi, ce que je veux qu'on comprenne bien tout le monde, là, quand je parle de bonheur, je ne parle pas d'une bonnette, d'une bonheurette. Ah, ben, moi, j'ai eu au moins 20 secondes de bonheur dans ma vie. C'est pas pire, c'est pas sable. C'est pas ça que je parle. Je parle que vous n'êtes jamais stressé, jamais nerveux, jamais craintif, jamais en train de vous ennuyer, jamais en besoin, jamais pris avec les problèmes humains. Jamais. Et la majorité des problèmes que vous vivez sont des problèmes que vous ne pouvez même pas percevoir. Ce sont des problèmes qui vous vieillissent, qui vous rendent malade, qui vous tuent, qui vous empêchent de dormir, qui vous stressent. Mais on ne le voit pas. Oui, mais c'est ça. Mais on ne peut pas ne vouloir être heureux si on ne sait pas qu'on est malheureux. Fait que... Oui, mais la question n'est pas là. La question est, le moindrement qu'intelligence descend chez vous, il faut que les choses changent, il faut que quelque chose change. Vous allez commencer à venir des conférences, aller lire des livres, ça veut dire que vous êtes déjà dans une problématique, vous cherchez une porte, cette porte-là, on ne vous la présentera jamais. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui découvre une porte, là, justement, il est plus heureux... Le garde-robe. Oui, mais quand même, quand il fait cette démarche-là de n'importe quoi... Non, le bonheur est un état perpétuel, ce n'est pas un état local. Il n'est pas plus heureux. Ben, il est moins malheureux. Exact. Bien différent. Es-tu rassasié? Ben, j'ai moins faim. Es-tu rassasié? J'ai moins faim. On ne parle pas du tout de la même affaire. Je peux savoir si t'as moins faim, je peux savoir si t'es rassasié. Ah, mais comment nous faire c'est mon réservoir de carburant, là, est-ce qu'il est plein? Ah, ben, il est moins vide. Oui, ben, est-ce qu'il est plein? Il est moins vide. Moi, j'ai besoin d'un réservoir plein. Ben, il est moins vide. C'est ça, la vie. T'es toujours moins malheureux. Après ça, évidemment, tu payes le prix, ça, faut faire attention. Bon, mais, Daniel, quand tu dis que l'intelligence arrive puis que ça faut que les choses changent, mais est-ce qu'il faut que ce soit nous qui changent ou est-ce qu'il faut que ce soit... On va continuer à expliquer ici avant. C'est évident qu'il faut qu'on change, mais pas comme tu le dis, là. Ben, c'est ça. Hein? Prenez l'exemple. On parlait dernièrement là, d'un jeune garçon qui est séropositif maintenant. Bon, il a 10 ans, il est en phase terminale, vous mourrez dans quelques mois. Bon. Tu dirais que son COVID. Positif. C'est extraordinaire. Il est séropositif, physiquement. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mettre au monde un enfant pour qu'il puisse souffrir au maximum, pour qu'il puisse mourir par la suite, c'est la vie. Dieu, dans son infinie bonté, a pensé à créer le virus du sida. Là, on va dire, non, c'est l'homme qui a fait ça. Ah oui, c'est vrai, l'homme. Non, mais ça peut être accidentel, c'est pareil comme une fleur qui pousse, puis... Je m'en fous. La nature, elle est tellement bien faite que vous êtes tout équipé pour être réceptif aux virus et aux bactéries. C'est génial. Et là, les gens, ils ne se disent pas, merde, que c'est mal fait. Ils disent, hey, c'est extraordinaire, en mangeant du bleuet, tu peux guérir le sida. Tu sais, la nature a pensé à tout, à nous fournir les médicaments. Pourquoi on est pas en santé à la place? Ce serait pas un peu plus intéressant d'être en santé plutôt que d'être malade avec les beaux médicaments offerts par la nature. Oui, mais c'est pas ça. Ben, mais oui, mais c'est que l'humain ne croit pas. C'est pas, tu sais, c'est... Non, là, ce qui arrive, c'est que vous refusez de sortir de la roue. Oh, moi, je suis bien d'accord. Non, mais moi, je suis d'accord de sortir de la roue. C'est vrai que c'est un manque d'énergie. Non, je comprends. Mais moi, là, une fois, j'étais au Guatemala, puis il y avait dans un village, dans la jungle, des guerriers roses. Il y avait une rivière qu'on voyait au loin. Ça prenait 2 heures de marche, on la voyait couler. Il y avait une espèce de petite chute. Et alors, tous les matins, les femmes et les enfants partaient avec leur chaudière, s'en allaient chercher de l'eau. Puis là-bas, en plus, la conscience n'a tellement pas évolué. Ils sont intelligents, ils sont gentils, ils sont bien. Je parle de conscience. Alors, ils remplissaient leur chaudière d'eau au maximum pour amener le plus d'eau. Puis quand ils s'en venaient, bien, ils s'en venaient de la table, ils s'en venaient, la gang. Rendu au village, les chaudières toutes à moitié vides. Parce que, c'est la vision des choses. Là, avec un padre, avec un curé, on essaie de leur expliquer qu'ils pourraient probablement finir par investir, creuser, faire quelque chose pour amener la rivière là-bas chez eux. Elle est plus haute que chez eux. Et là, c'était toute une affaire, même chose. Ah oui, mais un instant, ça se fait pour toutes les raisons, finalement, la rivière est restée là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est pas dans leur conscience d'améliorer leur sort. La rivière, la rivière, il n'y avait rien à faire. Non, mais il y a un dicton, c'est... Si la rivière ne veut pas se déplacer, déplace-toi. Ouais, moi, mon dicton, c'est qu'à un moment donné, quand tu as besoin de te déplacer, puis déplace là-dedans. Déménage ton village au pied de la rivière ou amène la rivière chez vous, puis fais quelque chose. La moitié de la vie des enfants et des femmes du village est passée à aller chercher de l'eau. Mais les bonhommes, pendant ce temps-là, ils vont chercher du bois. Ils sont heureux. Ils vont nous dire qu'ils sont heureux. Ils perdent un enfant ou deux par année, la guérilla et l'armée. La maladie va en ramasser un ou deux, les scorpions un ou deux, parce qu'il y en a plusieurs là-bas, ça va, ça pullule. Et ils sont blessés, ça c'est une vraie farce. Puis c'est pas pire. Moi j'ai vu d'une famille heureuse. Le gars s'appelait Adélaïde Opam, au cas où vous le rencontriez, il avait 79 ans quand je l'ai vu, c'est en 76. Alors, c'était dans la forêt du Pétain au Guatemala, qui était la jungle la plus dense au monde. Alors on était dans la jungle, c'était un bonhomme qui il avait du sang maya, puis il avait resté, ça, il a passé sa jeunesse dans des lagunes, puis c'est là qu'on allait nous autres. J'ai visité sa maison, on est rentré chez eux parce qu'on voulait l'engager pour qu'il nous amène dans la jungle assez loin. Alors, il y avait la terre battue, des hamacs, il y avait 8-9 enfants, sa femme, des bébelles, en tout cas, c'était une maison bien ordinaire, toute noire, toute crottée, toute sale, et c'est le bonheur là-dedans. On en a parlé en plus de bonheur. Nous, on s'est acheté des récipients, du riz, de la farine, des bébelles pour manger dans la jungle. On est parti avec ça, puis rendu là-bas, on n'a pas été capable de rien faire cuire. Bon, pour un paquet de raisons techniques, d'humidité, de connaissances. Quand on est revenu avec nos chaudières, notre riz, etc., ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est allé voir la famille heureuse. On leur a dit, écoutez, dites qu'on retourne au Québec, on est pogné avec ça. Fait qu'on va vous le laisser. J'ai vu une famille heureuse devenir heureuse. Ils n'étaient pas heureux, ils étaient malheureux au maximum. Juste le fait de leur donner une chaudière de riz, puis un sac de farine, puis 3-4 chaudrons, t'aurais dû voir le monde flotter. Mon ami marchait à 2 pieds du sol, ça flottait. Ils étaient en extase de bonheur. Mais pas de l'intelligence là-dedans, parce qu'ils vont mettre le feu à l'heure tout de suite, ils vont renverser le Guatemala, puis ils vont tout changer. Alors, il y a une nuance entre avoir un malheur tolérable. Tu sais, tu perds un enfant par année, ou par 2-3 ans, c'est tolérable. Ouais, ben essaye ça, mais pas au Québec, si on perd un par année, il reste plus rien du tout. Mais malheur tolérable est différent de bonheur. Le bonheur est un état perpétuel, et le bonheur est illégal sur la Terre. Puis quand je parle d'illégal, Ça ne veut pas dire que l'humain ne peut pas rien faire. C'est pas interdit, c'est différent. C'est illégal de traverser Saint-Feu rouge la nuit quand il n'y a personne. Elle traverse. Il y a personne. C'est pas interdit, tu peux traverser. C'est illégal. Mais y a-tu des gardiens qui sont là plus spécifiquement pour ceux qui sont plus réveillés, pour les éclairer encore plus? Ou... Non, non, c'est la nature fondamentale de l'humain. Et ce que je veux que l'humain comprenne au départ, on parle de changer le monde, on parle de plusieurs choses à un moment donné. Il faut comprendre qu'il y a des stratégies. L'humain est bâti comment? L'humain est bâti avec un corps physique, hein, tout le monde le sait. Le corps physique est dans un contexte prédatorial. Ça veut dire que vous devrez tuer pour manger et probablement que certains animaux vont vouloir vous tuer pour s'alimenter. Étant donné que nous nous sommes arrangés en société, à part quelques pitbulls ou malamutes, il n'y a plus grands animaux qui vont nous tuer. Ils n'ont pas le temps de nous manger, évidemment. Bon, ça va. N'empêche qu'on doit tuer pour manger. On reste prédatorial. C'est dommage. Et c'est évidemment pour un être humain le moindrement intelligent, ça va finir par devenir un maudit problème. Tu élèves des poules pour les tuer, tu élèves des bœufs pour les tuer. On devient rusé, on les fait élever par les autres, ils tuent, on mange un steak. On ne sait plus que c'est un bœuf qu'on mange. Quand quelqu'un mange du steak, là, jamais il voit l'animal à quatre pattes qui peut engendrer des petits petits animaux. Il voit un emballage styrofoam avec un polythène dessus, puis un steak. Ça va bien. Une poule. Avez-vous déjà pensé que la poule, quand on la voit, elle est comme ça, les pattes de même, ça a déjà été comme ça, les pattes en bas, ça courait d'un coup. Mais c'est pas... Tu sais, ça va. Puis le corps physique, déjà là, on a un problème. Les virus nous adorent. Les parasites, les bactéries, ça nous adore. C'est impeccable. Le crabe, Dieu n'a rien à foutre. S'il perd une pince, un bras, ça repousse. Vous autres, les créatures de Dieu, si vous perdez un bras, achetez-vous une prothèse. Le corps vital. Le corps vital, c'est ce qui anime, ce qui permet la croissance, ce qui contient la mémoire. C'est simplement de l'énergie intra-atomique, on passe par-dessus un petit peu, mais quand même, c'est intéressant. Il y a le corps astral, que les gens appellent souvent l'âme. La psychologie. La psychologie, c'est la relation dans l'âme du désir, de l'émotion et des mémoires. Ça, c'est de la psychologie. C'est ça, la psychologie. Psychose veut dire âme, logie, mettons, mécanique, c'est quand on l'a nommé, mais on va dire science qui étudie l'âme. La psychologie, c'est la relation des désirs, de l'émotion et de la mémoire. L'émotion, c'est la perception d'une expérience vécue par l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'entends un gros bruit, le bruit est extérieur, l'information entre par mes oreilles et est décodée par mon cerveau, ça vibre atomiquement, donc l'âme finit par être au courant parce que l'âme, ça fait partie de la structure atomique du corps. Et là, l'âme va percevoir le bruit, mais dans l'âme, ça va créer un remous, le bruit. Et le remous, ben, c'est l'émotion. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on doit comprendre que la majorité du vécu humain se fait par le biais de l'âme, donc de son astral, de son corps astral. Dans ça, il y a une densification, une identité qu'on appelle l'ego, et que son vécu est déterminé par les informations qu'on lui amène. Si on vous dit sans arrêt que vous êtes laid, je vais déterminer votre structure psychologique. Si on vous dit sans arrêt que vous êtes beau, je vais aussi déterminer, mais ça vient par les oreilles. Donc, c'est évident qu'on doit comprendre que le corps physique détermine beaucoup le vécu. Ce qui détermine aussi votre vécu, ça va être vos structures réincarnationnelles, ce qui va vous constituer de la naissance à la mort, parce que l'être humain se réincarne, ça se réincarne dans vous autres 24 heures sur 24 toute votre vie. Maintenant, ce qui est important de comprendre en plus au niveau des mécaniques, c'est qu'il y a d'autres capteurs d'informations. L'âme va lire dans le corps physique par une partie de son âme qui s'appelle, en tout cas, c'est un interpréteur actionnel. L'âme va lire par le corps physique, donc il va être capable de lire les sens physiques, mais il a d'autres capteurs. Ces capteurs-là portent des noms. Ça peut être le rêve, l'imagination, la pensée, les idées. Il y a d'autres capteurs qui font en sorte que l'être humain va aller fouiller, aller chercher de l'information. Et cette information-là, il la prend dans l'énergie atomique de la matière.